Toujours à l'occasion du jour de décès du général Kim Jong-il, le théâtre d'art Ponghwa a abrité le 17 un spectacle, l'épopée musicale titrée « Chemin de Son Gun du général ». Y ont assisté les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, notamment Kim Yong-nam, Park Bong-joo et Choi Ryong-hae, un président de parti ami, les permanents des organismes directeurs du comité central du parti dans la ville de Pyongyang, les officiels des organismes du parti et militaires, des ministères et des établissements centraux, les fonctionnaires des établissements, usines et entreprises de la ville de Pyongyang, ainsi que les méritants. Y ont été invités les délégations des compatriotes d'outre-mer et d'autres ressortissants, des personnes ayant les connaissances avec le général, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les couples des représentants diplomatiques de divers pays, des institutions internationales et des attachés militaires en Corée, ainsi que des hôtes étrangers.